Le périscope. Scène de musique innovante. Moi, ce que j'aime bien, c'est que maintenant tout fonctionne avec FL Studio Ableton. Des programmes très, comment dire, standardisés. Et des fois la créativité elle vient de la contrainte et elle vient de des moyens spéciaux qu'on met en place pour composer. Et ce mec là c'en est la parfaite illustration. Il s'est créé vraiment son programme, son matériel. Il fait de l'électro mais il en fait comme personne. Du coup c'est sa démarche qui est intéressante je trouve. Le collectif Hatch propose des rendez-vous réguliers autour des musiques électroniques et expérimentales au Périscope. Le 25 septembre 2019, le ton était donné. La soirée s'appelait Mechanical Techno, avec en tête d'affiche l'inventeur de ce concept sonore, le musicien anglais Graham Dunning. Dès son plus jeune âge, contaminé par la vague punk, il va commencer par jouer de la basse qu'il va vite délaisser pour le bidouillage de rythme dès ses premières écoutes de Aphex Twin. Sa chambre d'étudiant va vite se transformer en laboratoire. Le jeune Britannique va commencer à penser le vinyle comme un objet. Il va le mêler à des synthés, à des inventions qu'il va créer à partir d'objets recyclés, de câbles usés, de pièces de vélo, de balles de ping-pong. La technomécanique est née et prête à bouleverser les codes de la musique électronique. Après plusieurs albums, des concepts et des lives autour du monde, le savant fou de l'électro nous retrouve à la fin de ses balances. Assis entre ses vinyles perforés, ses assemblages de ferraille et circuits imprimés, il nous raconte son histoire des scènes noise à la mechanical techno. I used to play when I was at school. I was in a punk band. I used to play bass guitar and then. Ouais, bien sûr, je jouais quand j'étais à l'école. J'étais dans un groupe punk, je jouais de la guitare basse, puis un peu plus tard, j'ai commencé à me lancer dans la musique électronique. Quand j'étais à l'université, j'avais un ordinateur pour composer, et je commençais à faire de la musique avec Fruity Loops. Vous savez, ce genre de logiciel pas cher. Et ouais, j'ai toujours écouté beaucoup de musique différente. So I've always been interested in making things to make music with, and you know, synthesizers or making. Je me suis toujours intéressé à créer des concepts pour faire de la musique. J'utilisais les synthétiseurs et les pédales à effet de guitare et ce genre de choses. Et avec des boucles de cassette, des scratchs sur platine et ainsi de suite. En 2008-2009, I was playing in much more noise music kind of bands and started to use. Et 2000 à 2009, je jouais dans beaucoup de groupes de musique noise et j'ai commencé à utiliser des platines en live, mais avec des textures très bruyantes et abstraites. Et puis à partir de là, j'ai commencé à me concentrer davantage sur le rythme. Et donc, grâce à une série de découvertes, je me suis rendu compte que vous pouviez utiliser le mouvement de la platine vinyle pour déclencher des synthétiseurs et d'autres choses. Et c'est à ce moment-là que le projet a commencé à devenir un projet techno-mécanique. Ouais, c'était l'époque où je créais des vidéos live en studio pour les mettre sur YouTube. Il fallait mettre un titre. Donc la première chose qui m'est venue à l'esprit était vraiment Mechanical Techno. Le nom est vraiment resté gravé, tu vois. Parfois la musique est techno et parfois elle est un peu plus neutre ou abstraite. Et oui, j'utilise beaucoup de samples différents, des sons qui proviennent d'objets enregistrés. Dans ce projet, j'utilise le même programme de codage live et je le combine avec des samples particuliers que j'ai plaisir à utiliser. Thank you. Bien sûr, c'est une façon différente de travailler. Donc quand j'utilise le système en studio, je construis la machine d'une manière différente à chaque fois. Puis je peux prendre mon temps pour choisir les sons qui fonctionnent le mieux ensemble. Puis faire habituellement un son avec deux ou trois mixages de chaque configuration de la machine. Quand je joue en live maintenant, j'essaie d'improviser un peu pour que je sache un peu ce qu'il y a dans les disques. Mais c'est vraiment au hasard si les sons fonctionnent ensemble ou non. Je dois essayer donc, vous savez, de faire un live pour essayer de forcer les sons à s'harmoniser. I guess part of what I'm interested in is sort of doing things the wrong way. Je suppose qu'une partie de ce qui m'intéresse est de faire les choses délibérément dans un chemin opposé. Très souvent, les gens ont l'impression qu'il est difficile de faire de la musique parce qu'il est difficile d'être un artiste, car il y a une manière correcte de faire quelque chose. Et moi, je veux essayer de montrer que vous pouvez faire tout ce que vous voulez vraiment. Et vous savez, c'est un moyen viable de faire de l'art et de faire du son. Vous savez sûrement que j'enseigne aussi un cours d'art sonore expérimental et que j'encourage les gens à devenir des artistes sonores ou même des musiciens. Et je pense que ce genre de bricolage prouve que n'importe qui peut être musicien. C'est ça le message que je pense. Yeah, so that another project, yeah, that we have is called the Mammoth Bee Organ. Ouais, c'est un autre projet. Nous l'avons appelé l'organe Bee Mammoth, qui est comme un gros instrument de musique mécanique acoustique. Donc c'est un peu comme si le vent actionne les instruments qui fonctionnent sur une machine mobile. Mais les approches sont légèrement différentes de ce que tu peux imaginer. C'est un peu plus une sorte d'expérimentation, une sorte de musique improvisée, de noise. Donc cette machine est fabriquée avec un artiste appelé Sam Underwood. Il est basé dans son studio situé dans le Yorkshire au Royaume-Uni. Donc ouais, c'est assez gros pour se déplacer, mais il y a une maison permanente où on peut enregistrer avec. Oui, il y a beaucoup d'influences différentes. L'improvisation est un rôle important. Je joue dans un autre projet avec des musiciens improvisateurs. Il y a des saxophonistes, des musiciens de jazz, des trombonistes. Et ouais, la manière d'utiliser la table de mixage comme instrument et le type de mixage se déroule comme une sorte de production. Mon type d'improvisation est très influencé par cela. Ouais, donc aujourd'hui je fais un set qui est à mi-chemin entre la techno-mécanique et le codage live. Donc j'ai mon ordinateur pour le codage, puis la platine qui génère tous les autres sons de la partie techno-mécanique. Puis je mixe cela ensemble entre les deux. Ainsi, la techno-mécanique consiste en partie à extraire des samples enregistrés par la rotation du disque, qui déclenche en partie un synthétiseur électronique de batterie sans tambour, puis qui déclenche une basse, qui est une sorte de synthétiseur de basse à clone 303. Il s'agit donc de configurations à la fois simples et potentiellement complexes, mais que vous utiliserez ensuite ensemble. Et la plupart du temps, les deux fonctionnent en même temps. Pour ce projet, je suppose que c'est bien que cette approche soit encore assez expérimentale. Le résultat est toujours assez dance floor et très rythmé, ce qui le rend moins abstrait que d'autres projets.